Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 50, déjà 50 épisodes de moi qui parle tout seul. En fait, les premiers épisodes, j'avais des invités. Et puis, avec le temps, c'était compliqué de gérer des invités. Pas de gérer les invités, mais de planifier les horaires de tout le monde. Fait que je me suis dit, si je veux faire des épisodes puis jaser, je suis aussi bien de le faire tout seul. Comme ça, je peux vraiment le faire quand je peux et quand je veux. Alors, c'est ça. Je suis bien content. Puis merci à tous vous, les gens, qui écoutez mon programme. Et merci à mes Patreons qui m'encouragent monétairement. C'est très, très, très apprécié. Donc, pour ce 50e épisode, j'ai pas rien de spécial vraiment. Par contre, je vais avoir un petit quelque chose là, que je vais twister tantôt. Vous allez voir quand je vais vous présenter mes dernières acquisitions. Donc, dans mon dernier épisode, à l'épisode 49, j'ai fini de vous présenter ma collection Super Nintendo. J'espère que vous avez apprécié ces 4 épisodes-là que ça m'a pris pour vous présenter toute ma collection. Donc, puis c'est déjà plus à jour, j'ai un jeu de Super Nintendo qui est rentré. Fait que tout ça est plus bon. On recommence. Non. Fait que voilà, puis prochaine shot, je pense que je vais faire DS comme j'avais dit, parce que j'ai pas mal moins de jeux. Et puis, il y a des bons jeux sur DS, alors ça vaut la peine. Donc, ça va venir. Mais c'est ça, aujourd'hui, ça va être un épisode standard. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Je regarde ma liste là, ici dans mon ordinateur. Et puis, je vais commencer avec quelque chose que j'ai mentionné sur ma page Facebook. Oh my God. Excusez, je suis totalement lendemain de veille, OK? Parce que depuis qu'on peut ressortir dehors et puis que le gouvernement nous permet de voir nos amis, à chaque jeudi que c'est possible, on est une gang de chums et puis on se retrouve, puis on boit de la bière dehors et puis on aime bien ça. Donc ça nous a fait très plaisir de nous retrouver après la COVID, puis quand on a eu le droit de sortir dehors. Et puis, c'est ça. Donc, hier, c'était jeudi. Aujourd'hui, on est vendredi le 28. Et puis, hier, jeudi, on a bu de la bière au parc. Et puis, je suis hangover. Mais par contre, j'ai pas de temps à travailler à mon ordinateur aujourd'hui. J'ai travaillé physiquement. Donc, je suis pas trop sonné encore. Mais après cet épisode-là, je vais être sonné pas mal. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être la petite voix rauque, là. Et puis, voilà. Donc, je voulais juste mentionner ça. Je vais boire de l'eau. Et puis, suivez ma page Facebook, pour vrai. C'est vraiment là-dessus que je suis le plus actif et que je publie plein d'affaires. Je publie des trucs là-dessus, des fois aussi, que je vais pas mentionner dans mes épisodes. Un peu de tout. Je suis sur Instagram, mais peu en fait. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe, pas qu'il se passe grand-chose, là, mais tu sais, bon, si vous suivez mes affaires, ma page Facebook est la meilleure place. Et puis, c'est ça, j'ai mentionné la semaine dernière sur ma page Facebook, j'ai annulé ma Amico, ma précommande de la Founder Edition, fondatrice de la console Intellivision Amico, mesdames et messieurs. Parce que si vous avez écouté le dernier épisode de Retro Nouveau, on a parlé de la dernière présentation qu'il y a eu de l'Amico, à quel point c'était, ça durait 1h30, c'était mauvais, les jeux. Je suis pas surpris de rien, tu sais. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à parler de l'Amico, puis à niaiser avec ça sur Internet, ça fait un bout là quand même. Ça fait quoi, 2 ans que c'est en développement, cette affaire-là? Donc, j'étais legit content, tu sais, qu'Intellivision reparte de quoi, là. Tu sais, moi, ça, ça m'intéressait. Et puis, l'Amico, j'aurais souhaité à la base que ça soit juste une console HD, dans le fond, qui permet de jouer les jeux originaux d'Intellivision, tu sais, avec une bonne manette et tout. Tu sais, une petite belle machine, là. Un peu comme la Collector Vision, la Phoenix de Collector Vision que j'attends sous peu, d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Puis je pense que c'est ce que tout le monde aurait souhaité aussi. Il aurait pu faire de quoi être vraiment nice. Mais non, ils ont décidé qu'ils allaient refaire le monde, eux autres, puis qu'ils allaient inventer de quoi de nouveau pour aller pogner un marché qui n'est pas servi. Alors, ils ont inventé l'Amico. Et puis, comme bien du monde, j'étais déçu de ça parce que, Au début, on ne savait pas. Et puis, après, on a vu les jeux tranquillement. On a vu que c'était vraiment dégueulasse, ces jeux-là. C'était supposé être une console qui allait bien faire le 2D et tout. Puis là, on avait encore des espoirs. C'est comme, ah, mais ça peut être comme pixel crissement crisp et tight, là, comme une Saturne. Et puis, les jeux sont pas, tu sais, comme la Saturne là, sait si bien le faire. Puis les jeux indie et tout. Puis là, finalement, il n'y a rien de tout ça. T'sais, c'est leur jeu, c'est leur recréation des jeux originaux dans la télévision. Donc, on n'a même pas droit aux classiques. C'est des réimaginations lettres. Fait que c'est ça. T'sais, tout... bon, en tout cas, je ne vous raconterai pas toute la genèse de ce projet-là. Mais malgré toutes ces conneries-là, je continue à maintenir un petit hype pour niaiser. Je me suis créé une fausse bulle de hype autour de ma tête dans laquelle je rigolais. Ah! Et puis, je m'amusais à partager ça sur les médias sociaux. Mais je suis pas cave, là. Je sais que ce projet-là, ça va nulle part, là, tu sais. Malgré tout, j'étais prêt à l'endosser puis à en acheter une parce que j'aime la télévision. Moi, j'aime la télévision pour vrai. Parce que c'était la console qu'il y avait dans la maison chez nous quand j'étais petit. Mes parents jouaient à ça. Je regardais mon père jouer à Night Stalker, à Burger Time. Ma mère jouait à Buzz Bomber, skiing. T'sais. Tous ces jeux-là, ça fait partie de mon enfance. J'étais trop jeune pour y jouer. J'étais pas capable. Mais je regardais les pochettes de ça. Mon oncle avait une télévision. Ma grand-mère avait une télévision. Mes parents, la famille Bourret, Sylvain, c'est le nom de ma mère, une télévision. All the way. Alors, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de faire un full set CIB à la télévision, que je suis rendu presque à la fin. Et j'ai aussi mentionné sur ma page Facebook qu'on dirait que j'y arriverai pas. Parce que les jeux qui me restent à avoir, écoute, une fortune, sont les boîtes sont super dures à trouver. Bref, j'aimerais pour vrai finir le set à la télévision CIB. J'aime cette console-là, j'aime y jouer parce qu'elle est fun pour vrai. Les manettes sont pas le fun, mais les jeux sont le fun. C'est une bonne console pré-NES, là. C'est pas de la merde. Puis ça a été legit un succès dans le temps, là, tu sais, c'est pas... ça existe, là, la télévision, là, ça a eu... ça a pas été à l'Atari 2600, là, on s'entend, mais disons que dans toutes les autres machines, à part Atari, Coleco puis la télévision, c'est les deux seuls à considérer. Et puis, bon, attends un peu, là, qu'est-ce que c'est ça, le monde qui m'écrive? Ah, maman. Excusez-moi. Donc, c'est ça, j'aime la télévision. Mais là, je regardais ça, et puis je trouve que ça s'en vient encore de plus en plus pathétique. Et puis cette année, j'ai des dépenses. Cette année, c'est la COVID. Cette année, j'ai pris des décisions de collection. Justement, hier, pas plus tard que hier, j'ai vendu mon Vectrex. J'ai décidé de sortir ça de chez nous. J'adore cette pièce-là qu'est le Vectrex. C'est plaisant à jouer, mais je l'allumais comme une fois par année, là, tu sais. Fait que c'est un gros bibelot. Et puis, ça vaut genre 400$ avec le card que j'avais. En tout cas, c'est le prix que je mettais à peu près. Puis, je l'ai vendu. Fait que je suis rendu là, tu sais, je veux moins de choses. Étrangement, j'ai plus de place chez nous, mais je veux moins de choses. Il y a comme, c'est comme des phases de collectionneurs, là, tu sais. Il me semble que j'ai déjà fait un podcast là-dessus aussi, d'ailleurs. Faudrait que je le refasse. Faudrait que j'écrive. Faudrait que je prenne des notes, genre de genèse. Et puis, je pense que je suis rendu là, puis je pense qu'en tant que collectionneur, il y a des étapes. Tu sais, au début, tu ramasses n'importe quoi, tu sais pas ce que t'aimes. À un moment donné, tu décides de faire des affaires précises, genre, je veux toutes les Mario Party, je veux tout ci, je veux tout ça. Tu sais, puis à un moment donné, t'empiles, t'es fier, après ça, tu sais, comme il y a... En tant que collectionneur, puis je collectionne depuis longtemps, il y a plein d'émotions qui te traversent. Et puis là, rendu où j'en suis, j'ai l'émotion de vouloir avoir moins de stock. Puis ça a déjà beaucoup baissé dernièrement, j'ai vendu plein d'affaires. Puis plein d'affaires que je n'ai jamais regrettées. Et puis le Vectrex en fait dorénavant partie. Donc, une affaire de moins. Et puis, pourquoi je parlais de ça? Ouais, parce que la Amico, elle allait devenir ça un peu, tu sais. J'aurais aimé avoir la Thunder Edition en bois. D'ailleurs, je la trouve pas belle, en passant. Il y a rien de beau là-dedans. Mais en bois, avec signé par Tommy, tu sais. Comme j'avais déjà mentionné dans mon podcast, c'est comme Tommy qui signe, genre, la console qui va, comme, crasher. Je trouvais ça drôle. S'il y avait une version qui, je pense, devait avoir de la valeur, c'est bien celle-là, celle que Tommy a mis sa patte dessus. Cela dit, c'était rendu 350$ US, cette affaire-là, quasiment 400$ US, ou une affaire de fou comme ça. Donc, on est vraiment dans le range d'une Switch, tu sais. Puis là, je trouve que avec tout ce que j'ai acheté cette année, puis je vais en parler d'une autre machine après, je trouve que c'est trop de dépenses pour moi. C'est une dépense conne. Tu sais, oui, c'est drôle, là, ha ha ha. Puis j'aime ça niaiser avec ça sur les médias sociaux. Mais la joke vaut plus ce prix-là. Je suis désolé. Par contre, écoute, si jamais ça sort, personne ne les achète, puis ils mettent à 100$ chez Walmart ou n'importe quoi, je dis n'importe quoi, on verra, tu sais, ça va exister ces affaires-là. En plus, ça a été repoussé hein, au printemps 2021. Donc, c'était supposé arriver au mois d'octobre. Là, ils ont dit non, finalement, c'est à cause de la COVID. Moi, je pense que ce n'est pas que à cause de la COVID. Donc, bref, cette affaire-là est repoussée à l'année prochaine. Puis, je suis content. En fait, la précommande, c'était un dépôt de 100$ US. Je leur ai écrit, ils m'ont remboursé, c'est fait. Là, je suis comme plus tranquille mentalement en sachant que j'ai pas cette dépense-là à venir. Puis, on va voir ça aller. Je continue de suivre le projet et leur souhaiter tout le succès du monde, mais tu sais, comme je vais regarder les spectacles et puis avec joie ou tristesse, mais je vais continuer de suivre ça, puis je veux absolument jouer à l'Amico, tu sais, essayer cette affaire-là. Fait que j'ai des amis qui l'ont commandé, fait que on verra, mais je m'empognerai une news là, un moment donné, ou je sais pas quoi, si ça vaut vraiment la peine, mais je veux pas un cossin de plus dans la maison chez nous qui prend de la place et puis qui servira à rien là, finalement. J'aime mieux travailler et avoir un vrai beau Intellivision original, genre Pro Sport System, tu sais, comme la dernière édition, tous les jeux, j'aimerais mieux ça. Parce que oui, c'est ça, je parle, puis ça fait un segue vers l'autre truc. Là, cette année, j'ai acheté une Phoenix de Collector Vision. Ça, c'est Coleco, le plus puissant Coleco ever. Tu mets tes cartouches originales, sortie HDMI. Je vous ai montré une manette que j'ai achetée de Super NES japonaise pour jouer. Tu sais, comme je vais être parfaitement seté Coleco, ça, je suis bien content. Et puis, donc, j'ai acheté cette console-là. Et puis, j'ai réussi à précommander une Analog Pocket. Donc, je sais pas parmi vous qui se sont lancés là-dedans. On a beaucoup entendu parler sur les médias sociaux parce que ça a été un petit chiasse. Ça s'est vendu en 5 minutes mondialement. Et puis, moi, comme tout le monde, je faisais des refresh, genre 5 minutes avant, même plus que ça. C'est comme 10 minutes avant 8h du matin, je pense que c'était 11h du matin. 8h du matin. En tout cas, c'était tôt. Puis j'étais prêt, puis j'étais dans le shop, puis je faisais des refresh, puis à un moment donné, clac, c'est devenu disponible. J'ai acheté mon kit, et puis j'ai fait payer, puis là, c'est au moment que ça calcule le shipping, que ça buguait pour tout le monde. Là, ça loadait. Là, je suis inquiet. Là, j'ai fait refresh, je suis retourné, je suis revenu, j'ai fait refresh. Aïe, j'ai été super chanceux parce que j'aurais pu comme juste me sortir du loop en faisant ça, mais finalement, ça a passé. Ma précommande est faite, et puis après ça, je suis allé checker dans le chat avec mes amis dans Messenger. Là, genre, puis les gars, ouais, précommande. Puis là, j'ai plein d'amis qui n'ont pas réussi à en avoir. Je regarde sur mon Discord, il y a du monde là qui n'ont pas réussi à en avoir. Je suis comme, oh my god, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à en avoir. Le monde entier est piste parce qu'ils n'ont pas réussi. Fait que j'étais vraiment étonné de ça. Puis après ça, j'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir pu mettre la main sur une. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Et puis, c'est ça, ça a été un fuck-up quand même, tout ça. Puis, ils ont fait bien des déçus, je crois. Et puis, j'espère qu'ils vont en refaire d'autres. Je suis sûr qu'ils vont en refaire d'autres. Ah, j'ai tellement soif. Et puis, je souhaite que tous ceux qui veulent une pocket puissent en avoir. Mais tu sais, ils auraient peut-être pu faire ça un peu mieux quand même. Analogue, là, tu sais, ils ont fâché bien du monde, là. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est une petite compagnie, c'est des petits produits, c'est très pointu, c'est du high-end, tu sais. Fait que c'est ça qui est ça. Mais voilà, donc ça, c'est une. J'ai acheté la console, j'ai acheté le dock. Pour vous savez qu'on peut docker cette console pocket là comme une Switch pour jouer dans la télé, fait que j'ai acheté ça. Et puis j'ai acheté un power supply parce que ça me tentait pas de me faire chier et puis à en trouver un autre là, bon. Et puis j'ai acheté l'adapteur Game Gear pour je veux commencer à explorer le Game Gear. J'aimerais ça avoir genre une brochette de 10 bons jeux Game Gear là, rien que pour me satisfaire. C'est quoi le nom du jeu? Vampire Castle of Darkness, je crois, avec Ferdinand Social. Donc, ceux qui écoutent Rétro Nouveau, Oups. Ceux qui écoutent Rétro Nouveau, vous savez que Ferdinand Social est une de nos mascottes. Attends un peu, il faut que je retrouve le nom. Castle of Darkness. Il me semble que c'est ça. C'est un genre de... Non, c'est pas ça. Attends un peu. Darkness Game Gear. Alors, je sais qu'il y a le mot Darkness dedans. Master of Darkness. Donc, c'est un genre de clone Castlevania avec le personnage principal qui est un docteur, il me semble, qui s'appelle Ferdinand Social. Et puis, la version Game Gear s'appelle Vampire Master of Darkness. Il y a une version PAL aussi de ça. C'est bien compliqué. Donc, c'est un clone de Castlevania et c'est très certain que je veux ça. Je l'ai essayé déjà un peu. Puis, il y a une couple d'autres jeux aussi. Je me fie à mon buddy Fred Gemus pour me dire tout ce qu'il y a de bon sur Game Gear. Parce qu'il se lance dans un full set. Game Gear, d'après moi, il va le finir avant la fin de l'année. Facile. Donc, je vous dis ça en exclusivité. Et puis, voilà. Et j'ai aussi acheté l'adapteur pour la Atari Lynx. Tu pouvais acheter... non, excusez, je ne l'ai pas acheté. Parce qu'elle n'était pas disponible. Tu as trois adapteurs pour jouer... la Game Boy Pocket joue de base Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Tu peux acheter un adapteur pour jouer au Game Gear, un adapteur pour jouer au Neo Geo Pocket. Et puis, un pour jouer au Atari Lynx. Cependant, lors de la précommande, le Neo Geo Pocket et le Lynx n'étaient pas disponibles. Alors, j'ai pas pu les commander. Mais ça va venir, j'espère. Et je vais commander celui de Atari Lynx. Parce qu'il y a quand même plein de jeux là-dessus. Ben, d'un, j'aime Atari, comme vous le savez. Et puis, je pense que c'est une machine qui gagne à être connue. Et puis, je pense pas qu'on peut avoir du vrai plaisir à jouer sur une Atari Lynx. Donc, moi, c'est pour ça que je regardais pas cette machine-là. Mais là, si tu me dis que je peux jouer dans ma TV avec une puissante Neo Geo Pocket, Pixel Crisp, et puis que l'expérience est tout autre, eh bien là, je suis soudainement un petit peu plus intéressé, vois-tu. Et puis, j'ai téléchargé une application pour fouiller la librairie Lynx et j'ai highlighté les jeux suivants. Batman Returns, Double Dragon, Gates of Zendokon, Gauntlet, The Third Encounter, donc c'est comme Gauntlet 3, Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom, donc le même jeu que le NES, mais sur Lynx. Ça, je suis super curieux d'essayer ça. Kix, comme mon arcade. Raiden, très bon shmup. Robotron 2084, excellent jeu d'arcade. Rygar, mais pas la version NES, ça va être la version arcade, il me semble. Donc, très cool aussi. Shadow of the Beast, Switchblade 2, Toki, le classique d'arcade qu'il y a sur NES, Switch, Genesis et plein d'affaires Toki. C'est quand même cool. Et puis, Zarlore Mercenary. Alors, si je regarde ça, c'est quoi la valeur? La valeur... de ma wishlist est de 500$. Ça, ça compte les loses, par exemple. Si on s'entend que je me lance là-dessus pour avoir une dizaine de jeux Game Gear ou une dizaine de jeux Atari Lynx, je les veux tous complets en boîte, c'est sûr et certain. Le plus rare et le plus dispendieux sera Double Dragon. La boîte, à tout le moins, est assez dispendieuse à ce que j'ai vu dans l'application. Donc, c'est ça. Mais pour vrai, je suis comme soudainement excité. J'ai comme je vais avoir deux jeux. Puis d'ailleurs, je veux commencer à les acheter tout de suite. Comme ça, quand je vais recevoir ma paquette l'année prochaine, dans un an, on va les recevoir. Je vais déjà avoir mon petit kit, tu sais. Puis les boîtes de jeux Atari Lynx, c'est des petits rectangles, là, bien simples, that's it. C'est comme une boîte de je sais pas, moi. Je sais pas. En tout cas, c'est petit, c'est beau, c'est blanc, c'est tout pareil, tu sais. Ça me semble que je vois ça aligné là, sur mes tablettes, là, puis... Je suis excité, guys! Fait que je me lance là-dedans, et puis ça va être parfait. OK, excusez, je regarde le travail, je dis... les employés qui me posent des questions. Alors, c'est ça. Je suis bien content de ça. J'espère qu'ils vont faire l'adapteur. Je ne veux pas être à acheter plein de jeux Lynx et ne pas pouvoir y jouer. Ben, je n'ai pas l'intention de m'acheter une Lynx. Donc, c'est ça. Très, très, très heureux. C'est des nouveaux... je me lance là-dedans. Et puis, je vous partagerai ça sur ma page Facebook. Comment ça va les choses. D'ailleurs, les jeux Lynx... on les a commandés hier. Ils viennent d'Angleterre. Ça va prendre un bout. Deux petits jeux. Donc, c'est ça. Une petite gorgée d'eau. Oh. Là, il est juste 1h de l'après-midi. Là, c'est cool parce que la rentrée scolaire a eu lieu. Je suis tout seul à la maison. Ma blonde partie travailler. mes deux enfants sont à l'école. Puis moi, aujourd'hui, on est vendredi. Puis cette semaine, j'ai dit à Job que je pouvais pas rentrer parce qu'il fallait gérer la rentrée scolaire et puis tout le bordel de avant que l'école commence. On a des travaux dehors ici, au fond, à clôture. Fait que... Puis j'avais des contrats à finir. Mais là, ils sont finis. Puis j'ai comme l'après-midi off un peu. Fait que c'est pour ça que je suis tout excité. Je suis tout seul dans la maison là, pour la première fois depuis des mois et des mois et des mois. Je capote. Fait que c'est ça. Je veux parler un peu de Rétro Montréal, Rétro MTL, parce que ça fait déjà plusieurs semaines de ça, mais j'ai oublié d'en parler ici. On a refait notre site web. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, vous l'avez remarqué, ceux qui magasinent sur notre site web, mais on a encore changé la forme pour rendre ça encore plus easy. C'est plus beau, c'est plus efficace, c'est plus pointu. Et puis, je suis bien content qu'on l'ait fait parce que pour nous, c'est super important. Chez Rétro Montréal, dans le fond, on fait de la vente en ligne d'abord. Et puis, on s'était dit qu'on aimerait ouvrir un magasin un jour, un magasin physique. Puis, quand on a eu le volume de vente en ligne suffisant, on s'est dit, bon, ben, on va sur un local, puis fuck off, on l'essaye. Et puis, le magasin, il marche. Il est parti en fou, puis ça va super bien. Puis, on est vraiment content. Et merci à tout le monde, vraiment. Et puis, mais malgré tout, il faut conserver là en ligne. Puis, si le COVID nous a appris quelque chose, c'est que cette facette-là est importante. Alors, nous, on met beaucoup de ressources là-dedans. On paye quelqu'un pour mettre de l'inventaire en ligne, prendre des photos, que les jeux, ça soit les vraies photos. Et puis, on fait des mises à jour, on réajuste les catégories, tout. Donc, c'est bien important pour nous que cela soit flexible, efficace et tight et que ça inspire confiance. On a un vrai branding, tu sais, c'est une compagnie. Hein. C'est pas une binerie, là. C'est pour vrai, ça, là. Corps et âme et taxes et des tonnes d'argent là-dedans. Fait que c'est ça. Et puis, donc, on est bien content du site web. Allez voir ça, c'est très facile à magasiner. Une section pour les consoles, une section pour les Limited Run Special Reserve. Et puis, plein d'affaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ben, c'est ça. On est bien content du nouveau upgrade. Parce que là, en plus, il y a plein d'autres plus petites shops ou d'autres personnes indépendantes qui commencent à faire comme nous. Fait que bref, on voulait continuer de se dissocier de ça pour essayer de sortir. Donc, on va toujours investir là-dedans. Et puis, merci d'en profiter parce qu'on fait ça pour vous. Et puis, j'en suis bien fier, sérieux. Ça fait longtemps que moi-même, je vends des jeux vidéo. Je le faisais en 2012, 2013, en tout cas. Mon blog, au départ, j'avais un blog Papa Cassette que j'ai transformé en boutique, tu sais, puis online. Et puis, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, avoir un vrai tight magasin de jeux vidéo. Et puis, là, ça y est, puis ça marche, puis je suis vraiment content. Donc, c'est ça. Et puis, pour continuer avec Rétro Montréal, on a organisé un concours aussi avec le band Sudden Waves. Donc, c'est un band montréalais qui fait dans le post-hardcore. Donc, c'est le post-hardcore, c'est dur à expliquer. J'aime pas dire ça crie, mais c'est comme crier, mais c'est contrôlé. La musique punk, metal, hard, qui crie, sauvage, mais comment dire, harmonique. T'sais. Et puis, c'est un ami à nous qui est dans ce band-là, Maxime Desjardins, Dej, qui est le guitariste, et le gars qui écrit pas mal toute la musique. Donc, des bien beaux jeunes hommes là, qui font de la musique très agressive. Et puis, il y a Tony Hawk Pro Skaters 1 plus 2 qui sort le 4 septembre, vendredi le 4 septembre. Et puis, on voulait faire un concours avec quelque chose qui a rapport avec le skate, pas juste nous autres qui donnent un jeu. Fait qu'on a communiqué avec eux. Fait que là, eux, ils offrent du beau gear, un beau hoodie de leur band, le EP, donc l'album, des stickers, posters. On donne le jeu, un beau package skate punk. Donc, si toutes ces affaires-là vous intéressent, le jeu, c'est sur PS4 qu'on le donne parce qu'on n'achète plus de jeux d'Xbox One physique. Alors, allez sur la page Facebook de Retro MTL. Le post est pinné en haut et puis il suffit de liker la page de Retro MTL et Sudden Waves. Partagez la publication et mentionnez dans le post quel est votre skateboarder préféré. Bien sûr, tout le monde dit Tony Hawk à date. Et je suis surpris, 50%, ben un bon 30%, 40% dit aussi Ronnie Mullen. Je pensais pas que les gens avaient tant d'amour pour Ronnie Mullen dans la vie. Alors, c'est très intéressant. Il y a une couple de choix différents aussi. Mike Vallely, que j'adore. Bob Burnquist et Rick Costin. Et puis, il y a des gens qui name drop là, plein de skateboarders qui sont sûrement des skateboarders cool d'aujourd'hui que je ne connais pas parce que je suis trop vieux. Mais voilà. Donc, allez participer. Je veux juste mentionner aussi, je suis comme tombé là-dessus. Si vous aimez le skate, moi, j'ai skaté longtemps quand j'étais jeune, genre de 9 ans à aujourd'hui. Je skate encore, mais aujourd'hui, je skate pas dans le but de, tu sais, comme apprendre des tricks. Puis je skate comme peu pire, là, parce que j'ai 40 ans, puis j'ai la chienne de me blesser. Puis si je me casse une cheville à 40 ans, ça va me prendre un an, si réparer ça, puis j'ai bien trop de choses à faire. Je peux pas me permettre de pas être fonctionnel pendant tout ce temps-là. C'est ça qui me stresse quand t'es jeune, t'as pas de responsabilité. C'est ça la beauté de la chose. Et puis, donc, je skatais beaucoup quand j'étais jeune jusqu'au cégep, parce que j'ai quitté ma gang, puis tout le monde s'est séparé. Et puis, j'ai toujours continué d'aimer le skateboard. Et puis, j'ai découvert une page Facebook qui s'appelle Skateboard, mais Skate B-O-R-E-D, comme dans S'emmerder, board, I'm bored, mais c'est skateboard. Et puis, c'est juste comme, ils font juste montrer des vidéos, genre des previews de des vidéos YouTube qu'ils font, donc il y a un channel YouTube. Et puis, mais juste les previews qu'ils mettent sur Facebook, moi ça me captive. Comme je scroll, je niaise sur Facebook d'un coup, hey, skateboard, on vit de quoi là, je regarde des vidéos, je peux rester là-dessus toute la journée. Écouter des vidéos de skate, là, j'adore ça. Comme moi, je peux écouter ça tout le temps. Et puis ce que je découvre avec skateboard, c'est que, man, le monde d'aujourd'hui, là, sont des brutes, là, incroyables, tu sais, on les aime, là, Ronnie Mullen, puis nos vieux bats, là, mais Chris, man, ils sont totalement éclipsés, ce monde-là, par les skills des skateboarders d'aujourd'hui, là. Dans le temps, tu sais, comme un 50-50 sur un handrail, tout le monde est comme, oh! À cette heure, les gars, ils embarquent ça, man, en backside, ils débarquent en impossible, tu sais, switch, puis, ah, man, c'est incroyable, ces gars-là, c'est incroyable. Filles aussi, d'ailleurs. Donc, si vous aimez le skateboard, allez voir ça. Moi, j'adore ça, puis j'en reviens pas comment le monde sont badass. C'est super le fun. Je vais parler un petit peu de Arcade Montréal aussi maintenant, parce que... Là, on va prendre une gorgée de eau, de l'eau. Ah, faut pas que je finisse mon verre avant la fin du show. On relance les tournois chez Arcade Montréal, on a décidé de faire ça. Et puis le prochain aura lieu le 4 septembre. Hein? Il s'en passe d'affaires le 4 septembre. Et puis on commence ça avec Smash. Et puis pour pouvoir contrôler le flow de la chose, on fait ça avec un site web de billets en ligne qui s'appelle Eventbrite. Donc, c'est comme acheter un billet pour aller à un show. Si tu veux venir participer au tournoi d'Arcade Montréal, tu achètes ton billet en ligne et ensuite tu te présentes à la porte avec ton téléphone ou si tu peux l'imprimer si ça te tente, whatever. Et puis, d'attitude, tu rentres. Le prix du billet pour participer au tournoi est de 10$ parce que ben ça couvre votre entrée. L'entrée est 8$ chez nous. Et puis, il y a le 2$ supplémentaire va pour payer l'animateur. Dans ce cas-ci, Eric Hébert, a.k.a. DJ Eric. De Chussou Fait que je review et de Mélo Projet, notre grand ami, très cool animateur que vous aimez tous et qu'on aime tous, nous aussi. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on n'a pas, malheureusement, de prix qu'on peut vraiment offrir, tu sais. Fait qu'on offre des entrées gratuites pour un prochain tournoi ou pour venir une autre fois. Parce que n'oubliez pas que nous sommes totalement en mode survie présentement. Et puis, là, on courait vers le mur. Et puis, là, maintenant, il y a plus de monde qui viennent. Fait que là, on marche tranquillement vers le mur. Mais quand on frappe le mur, c'est terminé. Donc, je pensais pas qu'on allait se rendre jusqu'à Noël. Puis, j'étais sûr qu'on allait fermer là, d'ici Noël. Mais là, il y a un petit peu plus de monde. Et puis, je crois qu'on va être capable de payer nos frais de base. Donc, moi, présentement, si on paye nos frais de base, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je veux parce que, tu sais, Je veux dire, si on est ouvert puis on perd de l'argent, puis ça nous coûte plus cher à être ouvert que fermé, puis anyway, on fait juste dépenser l'argent qui nous reste pour payer nos frais de base, puis ça sert à rien, ben on va fermer ça. T'sais. C'est pas logique de garder ça ouvert. Mais là, ça ne me dérange pas d'être ouvert si ça nous coûte rien, qu'on peut juste rester stable. Là, t'sais. Fait qu'on s'en vient vers ça. Donc, Arcane Montréal peut rester ouvert pour l'instant. Puis ça me fait bien drôle de dire ça, là, mais c'est ça pareil. T'sais. C'était notre 4e anniversaire qu'on allait célébrer 2 semaines après qu'on ait dû fermer à cause de la COVID. T'sais. Puis comme ça, il y a tout le temps du monde chez nous, ça a tout le temps bien été. Ça a été profitable from day one que cette entreprise-là a été profitable. On n'a jamais eu de dette, ben, autre que nos investissements de base qui étaient remboursés depuis très longtemps. Donc, tout le monde avait des revenus, on avait des employés, tout le monde est payé, on n'a aucune dette, ça roulait super bien. Puis là, soudainement, du jour au lendemain, c'est une perte totale, tu sais. Alors, c'est ça. Là, notre compte en banque, il est comme, il en reste le quart dedans. Là. Il nous reste le quart de ce qui nous restait. Donc là, c'est ça. Avant de dépenser le dernier quart, là, on dirait qu'on va être capable d'avoir juste assez de monde pour faire nos frais. Donc là, je suis content. Puis j'espère que les tournois vont aider un peu, tu sais. Là, c'est con. Là. On est comme tout excité, là, d'avoir une semaine qui nous rapporte autant que normalement un vendredi soir. Là, c'est comme, oh, mardi, on a fait 100$, 200$. Ah, ben c'est bon! Oh, vendredi, 500$, pas pire! C'est des peanuts, là. Mais il faut accumuler ces peanuts-là. Et puis, excusez les messages. Les messages tout le temps. Donc, avec ces peanuts-là, on va être capable de payer nos frais de base. Alors, je suis content de ça. Et puis, ça rajoute de l'espoir. Donc, les tournois continuent à rajouter de l'espoir là-dedans. C'est drôle, les gens nous écrivent. Puis on fait des privés aussi beaucoup. On essaie de mousser les événements privés pour qu'il y ait... parce que ça, c'est vraiment plus rentable. Et puis, je pense que les gens se sentent plus en sécurité dans un événement privé aussi. Cependant, sachez qu'il n'y a personne dans le bar. Le monde nous écrive. Si je viens samedi puis on est 4, tu sais, faut-tu réserver? On va-tu être correct? C'est que... D'où? Il n'y a pas un hostie de chat. Viet-en! Amène ta gang! Tu pogneras pas le COVID! Il n'y a personne! Tout est désinfecté, hostie. Tout le monde a des masques, il y a du purée à la grandeur, on peut se noyer dedans. Mais il n'y a personne qui vient. Il y a très peu de personnes qui viennent. Genre 10 personnes par soir qu'on est ouvert. Là. C'est rien. Là. Alors, soyez pas inquiets. C'est le meilleur moment de venir chez Arcane Montréal. Parce qu'il n'y a personne, vous avez toutes les machines à vous autres tout seul, c'est relax, l'air climatisé, t'es bien. C'est comme, si tu veux gamer, prendre un verre puis chiller, là, meilleur moment. Alors, soyez pas inquiets, n'ayez pas peur d'être dans une foule. Ah, j'ai peur de ça, les bars, ben trop de monde, je veux pas aller là. Il n'y a pas un chat. Alors, profitez-en. Et puis, on veut aussi regarder pour relancer les soirées d'humour. Avant, on faisait les mardis, Arcane Montréal. Quel calembour, quel jeu de mots incroyable, avec un beau logo et tout. Et puis, c'est animé par Francis Legendre et puis... j'ai oublié le nom de son partner. Mais c'est ça. Et puis, on faisait ça les mardis. C'était les mardis d'humour. Et puis, c'était à chaque premier mardi du mois. Donc, une fois par mois. Il y était peut-être question qu'il y en ait plus. Bref, là, bien sûr, on ne peut pas faire un genre de spectacle avec plein de monde là, dans le bar, là, c'est impossible. Mais ce qu'on ferait, c'est que l'humour aurait 2 représentations. Comme ça, on peut inviter du monde. Les gens peuvent venir à la représentation de 7h ou 9h, là, dans le fond. On va regarder ça. Là. Fait que, puis on va distancer les chaises, voir combien de personnes on peut recevoir. Donc ça pourrait être pas pire, tu sais. Et puis, l'avantage aussi pour les tournois de faire ça sur Eventbrite online, c'est que justement, on contrôle le nombre de personnes. Comme là, on est rendu à 12 participants pour le tournoi de la semaine prochaine, c'est un maximum de 32. Mais si on voit que ça explosera pas, là, mais mettons qu'il y aurait 50 personnes qui voudraient venir, ben là, on pourrait couper ça là, pour pas qu'il y ait trop de monde dans le bar. Et puis nous, de notre côté, ça nous donne une idée de combien de monde il va y avoir. Donc, on peut budgéter, tu sais, combien on va payer les humoristes si... T'sais, comme qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a bien des avantages là, à ce que les gens achètent d'avance leur entrée ou leur billet pour un événement chez nous. Donc, c'est peut-être de quoi qu'on va garder ça. Et puis, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Vous regarderez ça si ça vous intéresse. Bon, OK. Hey, j'ai tellement de messages. Fuck, man, je pensais être tranquille. Je vais virer mon téléphone à l'envers pour voir ces maudites notifications de merde. Fait que voilà. Et puis, puis on a une nouvelle gérante aussi. Si vous étiez des habitués de la place, vous savez que notre gérante s'appelle Andy et puis était là depuis plusieurs années. Andy, elle va retourner aux études. Donc, maintenant, ça va être Sarah qui va prendre la place. Ainsi, elle va être backée par Jacob. Et puis, eux vont gérer la place maintenant. Donc, c'est tout nouveau. Tout notre staff est quasiment nouveau aussi. Le trois quarts sont pas revenus au travail après la COVID. Et puis, les quelques-uns qui restaient, ils ont lâché finalement. Fait que nouvelle équipe, nouvelle gérante, nouveau tout, et puis on travaille là-dessus, alors c'est ça, c'est bien excitant, c'est du renouveau, et puis on espère que ça va tenir. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Ouais, là, je vais vous présenter mes acquisitions, mais avant ça, je voulais parler de la série High Score sur Netflix. Je pense que plusieurs d'entre vous ont écouté cette série-là. C'est une série de, il me semble, 6 épisodes. C'est disponible sur Netflix dès maintenant. Les épisodes durent 45 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, chaque épisode est séparé par thème, là, si je peux dire. Le premier épisode, ça parle des arcades, de l'Atari 2600 et de l'avant-boom, l'avant-crash des jeux vidéo. Ça l'arrête au crash, dans le fond. Deuxième épisode, facile, ça parle de Nintendo qui arrive en Amérique et puis le rise de tout ça. Troisième épisode, Out of Nowhere, ça parle de RPG. Quatrième épisode, ça parle de Sega, surtout le Genesis. Cinquième épisode, ça parle des jeux de combat. Et puis, sixième épisode, ça parle des jeux 3D, dans le fond, un peu. C'est comme le début des jeux 3D, donc Star Fox, Doom, et puis surtout Doom, en fait. Donc, that's it. Puis dans chacun de ces épisodes-là, il y a plein de personnages intéressants de l'histoire des jeux vidéo. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que ça met en lumière... Il y a beaucoup de... Il y a les personnages qu'on connaît, là, tu sais, mettons, Nolan Bushnell d'Atari est là, puis tout. Mais aussi, ils vont mettre en lumière d'autres gens qu'on connaît pas de l'histoire des jeux vidéo, comme un Afro-Américain, j'ai oublié le nom, qui est responsable de la création du Fairchild Channel F, dans le fond, ce qui était la première console à cartouche qui a eu lieu. C'est pas l'Atari 2600, la première console à cartouche, mais quand Atari a décidé de faire ça, c'est comme... Ça a explosé, fait qu'ils ont, comme éclipsé tout ce qui a été fait avant. Mais la vraie première console à cartouche, c'est la Channel F. Et puis, ça a été fait par ce gars-là. Et puis, on voit ses enfants et son petit-enfant. Ben, il est décédé maintenant, là. Mais tu sais, il y a un genre de 10 minutes là-dessus, là, tu sais. Et puis, on parle aussi des gens comme une personne gay qui a travaillé sur Madden au Genesis. Et puis, on parle beaucoup de la communauté. Ben, beaucoup. On mentionne à plusieurs reprises au travers des intervenants la communauté LGBTQ, excusez. Et puis, c'est ça, ça met ça en lumière. Et puis moi j'aime ça. Moi, je pense que c'est important, ça. C'est pas juste des Blancs, puis c'est pas juste genre le même monde que d'habitude. Il y a des gays, il y a des Noirs, il y a plein de monde là-dedans. Et puis, ils mettent beaucoup ça en lumière. Ils font ressortir des choses qu'on ne sait pas nécessairement. C'est pas tout le temps les mêmes histoires qu'on connaît déjà. Donc, c'est très cool. Comment est-ce que l'arcade Miss Pac-Man a existé? Comment est-ce que Star Fox a existé? Exister, tu sais, comment le gars qui a créé la série Ultima, comment est-ce que Mortal Kombat a été fait versus, tu sais, Street Fighter, comment ça, pourquoi est-ce que Night Trap s'est ramassé, comment est-ce que Night Trap s'est ramassé, man, en politique américaine, tu sais, à cause de la violence et tout. Plein d'affaires. Donc, de tournoi de Space Invaders à l'Atari 2005 qui a été gagné par une femme. C'est très, très, très cool. Et puis, il y a des gens qui disent que c'est pas on point au niveau des informations, qu'il manque peut-être des choses ou qu'il y a des affaires qui sont erronées. Pour être franc, je connais vraiment pas assez l'histoire pour dire quoi que ce soit là-dessus. De toute façon... j'ai la tête molle et j'ai oublié quelconque date qui a été mentionnée. Il n'y a même pas tant question de date là-dedans. Il y a comme juste un timeline, tu sais. Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça... Il y a des gens qui sont choqués par ça, apparemment. Moi, je peux pas me mentionner là-dessus. C'est comme... OK. All right. Ça m'empêche pas d'aimer la série. Et puis, c'est sûr qu'il y a des raccourcis, tu sais, puis que ça passe d'une affaire à l'autre très vite, là. Mais c'est ça. C'est juste 6 épisodes, c'est 40 minutes chaque. C'est un, pareil comme The Toys That Made Us, ben The Movies That Made Us, tu sais. C'est ce rythme-là, là, tu sais. Donc, c'est, faut pas s'attendre, là, à une étude là, universitaire très pointue de chaque, tu sais, comme c'est du nanan pour la population, c'est du nanan de qualité, tu sais, c'est une série Netflix, donc c'est très bon. Je vous recommande de checker ça dès maintenant, et puis je suis triste que ça soit déjà fini. J'espère qu'il y en aura d'autres, il y a tellement de choses à dire là, tu sais. Donc voilà. Et puis pour finir, je devrais me mettre un timer. Je sais même pas ça fait combien de temps que je parle. Une autre petite gorgée. Donc, maintenant, les acquisitions. On commence avec quelque chose d'assez funky. Il s'agit du Press Kit de Panzer Paladin. Donc, les gens, ils ont fait un kit comme ça pour... les gens de Tribute, ils ont fait un kit comme ça pour envoyer aux journalistes. Donc, c'est comme une grosse cassette, un boîtier style plastique VHS, là. Et puis, à l'intérieur, donc, ça s'ouvre de même. Et puis, à l'intérieur, il y a du papier. Donc, ici, des très cool stickers, dont le fameux bâton de hockey. On l'adore. Une carte, une petite carte ici avec l'illustration de Tom Dubois. Très, très, très nice. Un petit comic book, comme ça. C'est très cool, je ne l'ai pas lu encore. Mais c'est ça, là. Je ne sais pas si ça raconte le jeu au complet. Mais c'est bien beau. Et puis, qui c'est qui a dessiné ça? Ça doit être écrit en dedans. Writer, Yannick Belzile. Artiste, Anaïs Mama. Original concept, Jonathan Lavigne. Donc voilà. Excusez, je connais Yannick Belzile du podcast 3 bières, bien sûr. Donc c'est lui qui a écrit tout ça. Anaïs Mamar, je ne connais pas. C'est-tu une québécoise? On va aller voir ça tout de suite. Anaïs Mamar. Art Station. Donc, elle fait bien les affaires, cet artiste-là. France, c'est une Française. Alors voilà. Très cool. Et puis, ça, c'est quoi ça? Il y a une autre affaire là-dedans. Là. C'est un companion sheet pour les journalistes qui explique comment le jeu fonctionne. Donc, pour les journalistes qui peuvent avoir un petit peu plus de difficultés. Et la pièce de résistance, une cartouche NES, comme ça. Là, je vais vous la montrer de plus près. Et puis, voyez, c'est comme une fausse cartouche NES. Il n'y a pas de... C'est un vrai moule, mais il n'y a pas de board dedans. Il n'y a absolument rien. Ce qu'il y a ici, sous mon doigt, vous voyez, il y a un code. Et puis, dans le fond, c'est un code pour télécharger le jeu. Donc, ça, la cartouche, c'est juste un goodie, là. Mais moi, je trouve ça vraiment nice. Donc, voilà, comme un jeu NES. Et puis, moi, j'ai un code ici que je peux télécharger le jeu gratuitement. Mais bien sûr, j'ai déjà ce jeu. Donc, je vais le faire tirer sur ma page Facebook, là. J'ai pas trouvé comment encore, mais bon. Il y aura des gens parmi vous, une personne parmi vous qui pourra bénéficier gratuitement de Panzer Paladin. Et puis ça va me faire plaisir de vous donner ça. Donc je remercie les boys de m'avoir offert ça à moi. C'est bien smart. De chez Retro MTL, mesdames et messieurs, on a reçu des manettes Slate Grey, 8 boutons arcade pad Retro Bit de Sega Saturn. Et puis je m'en suis pogné une. Ça vient avec... c'est l'autre côté. Ça vient avec le dongle pour brancher direct dans console, ici, que vous voyez. Là, vous allez peut-être entendre du bruit, c'est les gars qui font la clôture dehors. Et puis, un autre dongle USB pour brancher dans un ordi ou whatever. Donc, tu peux jouer avec... Puis, c'est Bluetooth, ça, ouais. Oui, pas le choix. 2.4 GHz. Bon, je connais pas trop ça. Bref. Fait que moi, c'est pour jouer dans ma console que j'ai commandé ça. Et voici la manette elle-même. Elle est vraiment, vraiment belle. Aux couleurs de la Saturn japonaise. Ça me fait comme des lunettes. Yeah! Et puis, c'est ça. C'est la même moule. C'est le même shit. C'est vraiment cool. Je l'aime d'amour. Elle est très belle. Elle a été un petit peu difficile à synchroniser. J'ai fini par l'avoir. Et puis, dans la... pas parler en même temps que je gosse la boîte. Ça vient avec un case deluxe. Un case deluxe, comme ça, dans lequel tu mets ta manette. Et puis, un gros case en plastique, là, ça niaise pas. Avec les dongles et puis le rack à manette, là, dans le fond. Fait que produit de très grande qualité, pour vrai. Et puis, ceux-là de Saturn sont difficiles à avoir. Ceux-là qui ont les dongles pour jouer dans la machine. On réussit pas à en avoir beaucoup au magasin. Et puis, c'est un produit de très grande qualité. Je le répète encore. Et je crois qu'il nous en reste. Donc, si vous aimez la Saturn, je vous recommande ça totalement. Et puis, allez sur le site de Retro MTL, RetroMTL.com, pour vérifier s'il y en a, si ça vous intéresse. Parce que ça vous prend ça en tant que joueur de Saturn. Très cool. On a reçu aussi plein de jeux Switch. Là. On a vraiment fait une très, très grosse commande. Donc, on en a beaucoup. Et puis, l'un que j'ai gardé est Gigantic. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Gigantic Army. Gigantic Army. Et puis, l'armée gigantesque, là, dans le fond. Et puis, ça, c'est un jeu de mecha. Comme, c'est des... ah là, on va pas très bien voir, là. Ça fait penser à Cybernator au Super Nintendo. Et puis, c'est un jeu indie développé par Studio Storybird et puis publié par Astroport, je crois. Ou publié, créé par Pixel Heart. Ah, man, il y en a plein d'affaires là-dessus. C'est écrit en français dessus, en anglais, en tout. Alors, je sais pas... je sais pas ça vient de où exactement. C'est en français à l'intérieur, là. Ça doit être un studio français. Donc, en tout cas, ça a l'air intéressant, et puis je vais essayer ça. Et puis ça venait avec un petit porte-clé, là, comme ça, là, de PlayAsia. Donc, moi, j'ai encore une petite cochonnerie, là. Ben là, vu que j'ai le jeu, je vais garder le porte-clé, là, tu sais. Je vais mettre ça avec les autres cochonneries qui viennent avec mes affaires. Avec mes affaires, voyons, Limited Run et tout ça. Donc, très joli, en tout cas, je sais pas si ça va être bon. C'est comme visuellement pas si hot, là. C'est joli, c'est pixel. C'est un peu cheapette, on dirait. Ça doit être un genre de Metroidvania, bien sûr. Cybernator, Metroidvania, je sais pas trop. Je viens de finir de jouer à Gunvolt Chronicles, Luminous Avenger EAX. Je viens de terminer ce jeu-là. Alors, j'ai mis Gigantic Armor, Army dans ma machine et c'est le jeu sur lequel j'embarque pas plus tard que à soir. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Il en reste deux copies chez Retro MTL si ça vous branche. Un autre jeu que j'ai acheté d'un indépendant. Ouais, il s'agit de Bomb Chicken. Ça, c'est un jeu indépendant aussi, genre de Metroidvania, Bomberman, mais c'est un poulet qui met des bombes avec. Qui pond des bombes, en tout cas. Alors, une affaire assez fuckée, merci. Et puis, on avait ça aussi chez Retro Montréal l'année passée, par exemple. Et je m'en suis pas gardé de copie parce que j'étais pas sûr, tu sais. Et puis, ça devient très difficile, ce jeu-là, à ce qu'on me dit. Bruno, il a pas aimé ça. Je pense qu'il a trouvé ça trop dur. Fred, il aimait bien, mais il l'a pas fini. Alors, puis ça m'a tout le temps, j'ai tout le temps été après ça comme pas sûr, est-ce que je veux ce jeu-là ou pas? Fait que quand je l'ai vu passer usagé, je me suis gâté et puis je l'essayerai. Hein? Il n'y a pas d'autre façon de le savoir que de l'essayer. Alors, c'est dans ma collection Switch. Très content. Et puis, chez Retro Montréal aussi, on parlait de Super Nintendo la semaine passée. Je vous ai nommé toutes mes things, ben ceux-là, mes Wanted, plutôt les jeux que je veux dans ma collection. Eh bien, il fallait que j'en parle pour que ça arrive. De Flintstones, The Treasure of Sierra Madrock, donc, est arrivé en magasin et puis je l'ai gardé pour moi. Ça, mes amis, c'est comme un jeu de table de Flintstones, un Mario Party Flintstones, si on peut dire. Donc, très cool concept et puis je suis bien content d'avoir ça. Il y a juste une petite coche là sur le label ici en haut. Ça me déçoit un petit peu. Je vais garder l'œil ouvert pour un éventuel upgrade, mais c'est pas si pire que ça non plus. Alors, bien content. Je vais juste voir comment ça coûte. Flintstones SNES. C'est un jeu qui vaut certainement 80$. Ouais. Ah non, ok, je regarde à mauvaise place. Ah ben là c'est weird, juste 50$, mais d'après moi c'est pas mal plus que ça, ça vaut plus dans les S. Non, peut-être c'est ça, on va suivre ça. Bon ben ça vaut pas si cher que ça, mais ça vaut cher dans mon cœur. Alors je l'ai et puis je suis content. Merci beaucoup à moi d'avoir créé un magasin qui fait que les gens nous apportent des choses et que je peux les mettre dans ma collection. Dernière chose et non la moindre... Fred, dans sa folie de vouloir finir le set Game Gear le plus rapidement possible, a communiqué avec toutes les boutiques qu'il connaissait au Canada et mondial. Et puis, il a communiqué avec le Griffon Bleu à Gatineau. Et puis, ils n'ont pas de site web, eux autres, c'est super compliqué. Là, fait qu'il faut regarder leur liste puis comment c'est monté. Bref, c'est pas évident. Mais il s'est commandé des jeux Game Gear. J'en ai profité pour checker s'il y avait des choses pour moi aussi, tant qu'à y être. Puis, j'ai trouvé deux jeux de Game Boy que j'avais pas. Le premier, Info Genius Spell Checker N Calculator. Très, très, très utile pour surveiller ton orthographe et faire des calculs. La série Info Genius, ils ont 2-3 jeux sur Game Boy. Donc, je les ai même pas nettoyés, même pas testés, ni rien. Je suis allé les récupérer ce matin chez Fred, parce que c'est lui qui a reçu le colis. Donc, il y a encore le petit prix de 8$ dessus. Et puis, l'autre jeu, c'est Cosmo Tank, qui est étrangement un jeu commun que je n'avais pas encore. Et puis, c'est un jeu publié et probablement créé par Atlus. Ça a l'air d'être un 3D shooter de tank là, à la Battle Tank un peu, mais dans le cosmos. Malade ça. Fait que on verra bien. Deux petits jeux qui s'ajoutent là. Donc deux de moins, je suis bien content. Puis sur les photos qu'ils m'avaient envoyées, les jeux avaient de l'air dans un état épouvantable, mais finalement ils sont super propres. Donc très content. Et le dernier jeu qui vient aussi de là-bas, très très laid, il s'agit de Martian Panic sur Wii. Regardez-moi ça, c'est beau. Ça a-tu de l'air d'un shovelware, ça, mon ami? Solidement. Mais c'est vraiment laid. Mais on m'a dit que c'est un bon rail shooter. C'est un bon shooter de la console. Et puis, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'aime ramasser les jeux de shooting sur la Wii parce que c'est une excellente machine pour ça. Alors, aussi laid soit l'interface de cette chose, si jamais le jeu est plaisant à jouer, moi qu'on shoot des martiens ou qu'on shoot du ballonné, ça me dérange pas. Alors j'ai acheté ça. Ça vaut rien, ça vaut absolument rien, ça vaut 10$. Mais paraît que c'est un bon shooter, alors je vais nettoyer et essayer ça éventuellement. Je suis un peu gêné de tous les jeux Wii que j'ai acheté cette année. Pas parce qu'ils m'ont coûté cher, parce que j'en ai vraiment beaucoup maintenant, et puis j'ai pas pris le temps de les essayer. J'ai pas pris le temps de jouer à la Wii pantoute cette année. Pourtant, c'est une console que je collectionne quand même, on dirait, de façon importante. J'aime ça ramasser les jeux de Wii rares ou qui sont supposément bons, mais je prends pas le temps de l'essayer. Je suis trop éparpillé. Fait que faudrait que je remédie à ça. Là, je me demande, j'ai quasiment peur que ma tête elle tombe dans le même vortex que pour ma Vectrex, ma Dreamcast et tout ça, de genre « Ah, je joue jamais à ça, moi, tout vendre ça. » On dirait que je me dirige vers ça, mais je veux pas. Alors, va falloir que je donne l'amour à ma Wii, et puis ça va venir. Fait que, en tout cas, j'ai ce jeu-là de plus. Alors, ça va conclure le spectacle pour aujourd'hui, mes beaux enfants. Je finis mon verre d'eau juste à temps. C'était... ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait combien de temps que je parle? 45 minutes peut-être, je ne sais plus pendant tout, mais j'ai mal à la tête, j'ai chaud, j'ai plein de notifications à répondre, et puis je vais me faire un beau café, et puis quand tout ça va être réglé, je vais nettoyer mes petits jeux que j'ai reçus, et les cajoler, et commencer Gigantic Army. Alors voilà, écoutez Rétro Nouveau, ce beau podcast qu'on fait depuis 2011, et puis... prochain show live mardi prochain, le 1er septembre à 20h sur Twitch. Allez sur notre site web retronouveau.ca, toute notre historique est là-dessus. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Fait qu'il y en a de la shit. Et puis, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui à l'écoute de ce valeureux podcast. Et puis, merci de m'encourager et de suivre mes shit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!